Voilà, c'est l'intempestive. Donc on est avec Marie Duflo. Marie, tu es secrétaire générale du GISTI, le groupe de soutien et d'information des immigrés. Je peux ajouter éventuellement que je suis aussi, disons, coordinatrice du collectif qui est MOUM, signifiant migrants outre-mer. D'accord, et c'est un collectif dont le GISTI fait partie. Bien entendu, et avec 11 autres associations qui s'intéressent toutes aux migrations et en particulier à l'outre-mer, à ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, parce qu'on va discuter aujourd'hui de la question du droit des étrangers en outre-mer, qui est une sorte de droit d'exception. On va voir qu'il y a un très lourd héritage du passé colonial, du droit colonial, derrière la façon dont sont traités les étrangers en outre-mer. Peut-être pour commencer, simplement définir ce qu'est l'outre-mer. Bien, c'est pas très compliqué, c'est finalement c'est les terres non européennes de la France, mais c'est, disons, pour une grande part, les restes de l'empire colonial français disséminés, et donc outre-mer, de l'autre côté, hors de l'Europe. Voilà. C'est essentiellement les départements français d'Amérique qui sont devenus donc départements d'outre-mer en 1946. Donc Martinique, Guadeloupe et Guyane. Et puis ce sont des terres plus lointaines et moins connues, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna, Mayotte, dont on va parler un peu plus, je vous expliquerai pourquoi. Et puis alors des choses très lointaines et très peu peuplées, les terres antarctiques, quelques petits îlots divers comme Clipperton, dont on ne parlera évidemment pas, puisqu'on parlera plus des hommes que des cailloux. Bon, les départements français d'Amérique, ce sont des départements d'outre-mer, ce qui veut dire constitutionnellement que ce sont des départements, que les lois françaises s'y appliquent, mais que, il est toujours possible de les adapter à des réalités réelles ou imaginaires de ces départements. En ce qui concerne Mayotte, c'est une collectivité d'outre-mer, comme les autres terres dispersées. Et donc là, selon les domaines, le droit peut être spécifique, c'est-à-dire peut être entièrement écrit. En particulier en ce qui concerne mon cheval de bataille, qui est le droit des étrangers, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui gère l'ensemble du droit des étrangers sur les départements, y compris outre-mer, à des exceptions près, ne s'applique pas. Il y a des ordonnances écrites spécifiquement, même si elles ressemblent de près ou de loin au code. En revanche, le code civil, la nationalité, théoriquement, s'applique à l'ensemble du territoire national, disons. Donc, y compris aux collectivités d'outre-mer, mais là encore, il y a des paragraphes spécifiques, en particulier des paragraphes spécifiques à Mayotte, dont on aura l'occasion de parler. La décolonisation, disons, des Comores s'est faite beaucoup plus tardivement. Hein, c'est faite donc par un référendum en 1974, dans lequel les quatre îles qui constituent l'archipel des Comores ont majoritairement décidé l'indépendance. Indépendance qui a été rapidement enregistrée par les Nations Unies, donc comprenant les quatre îles, donc y compris Mayotte. Le vote avait été majoritairement contre cette indépendance, à 64%, je crois, ce qui fait qu'il y a eu un mouvement à Mayotte pour contester ce vote. Mais à cette époque, en fait, tout le droit des Nations Unies et de l'unité africaine considérait qu'il fallait absolument maintenir les frontières coloniales. C'était un même territoire d'outre-mer avant, et il fallait que ça reste un État. C'est encore d'ailleurs la doctrine de l'ONU qui n'a toujours pas reconnu Mayotte, il faut le savoir. Bon, en 75, 76, il y a eu un nouveau référendum qui a donné une très grosse majorité pour rattacher le rattachement à la France à Mayotte. Et depuis, donc, Mayotte est devenue un territoire d'outre-mer, puis une collectivité d'outre-mer, peu importe le vocabulaire. Donc, réalité en fait qui n'est admise par personne internationalement, hein, mais qui est admise en droit français depuis, enfin, en tant que maintenant collectivité d'outre-mer, peut-être bientôt département d'outre-mer. C'est-à-dire que la France a décidé, pour préserver un pied dans cette partie du monde, a décidé de couper un archipel et... C'est comme si dans un pays, il y avait un référendum, qu'une région n'est pas d'accord avec une autre, et du coup, on partitionne. C'est à peu près ça. C'est comme si un département français décidait voter autrement que le reste. Et voilà. Je ne sais même pas vraiment si la France avait un grand intérêt à ça. Il y a beaucoup de raisons qu'on peut dire, mais elles ne sont jamais très convaincantes. J'ai l'impression que la France s'est entraînée dans ce cercle vicieux. Et après... Les choses étant ce qu'elles sont, la France a largement contribué à entretenir une instabilité grave dans les autres parties des Comores, grâce à quelques barbouzes dont le plus célèbre est Bob Denard, ce qui fait que c'est devenu de moins en moins... Le fossé s'est creusé, mais très lentement. Il faut savoir qu'en fait, les institutions françaises, le droit dont on va parler, n'a commencé à se bâtir que... spécifiquement à Mayotte, qu'à partir des années 2000. C'est très récent. La vraie rupture s'est faite en 95 seulement. Tout ça, c'est très, très récent. Ça s'est fait en 95 avec un visa qui a été imposé aux Comoriens qui avaient l'habitude de circuler. Le visa Balladur. Le visa Balladur de 95 qui a cessé la circulation naturelle. Ce qui veut dire aussi que c'est... il y avait des petites différences, comme il y a des différences entre les Bretons et les Alsaciens et les Parisiens. Mais il y avait des différences et donc des incompréhensions assez souvent d'une île à l'autre. Mais c'était quand même la même culture musulmane et bantoue, la même langue, la circulation a toujours fonctionné. Et brusquement, un visa qui a créé l'étranger, quoi. Cet étranger qui, quand on parle d'un étranger à Mayotte, à part quelques personnes des Grands Lacs, c'est essentiellement les Comoriens qui ont des liens culturels, historiques, familiaux absolument étroits avec Mayotte. Donc Mayotte est devenue très progressivement finalement quelque chose de spécifique. Le droit social, la sécurité sociale ne date que de 2005, un certain nombre d'avantages du fait d'être français. Sont des avantages récents. Le droit universel à Mayotte est extrêmement récent aussi. Donc ça fait aussi une rupture interne aux familles, interne une transition très rapide et compliquée. Et donc oui, pour repartir sur cette question que tu poses dans l'éditorial de Plein Droit qui est paru en octobre 2007, qui s'appelle « Outre-mer, terre d'exception », tu poses la question « Où est la France ?» Parce que, effectivement, dans les textes de loi et puis dans tout l'imaginaire de nos représentants, entre guillemets, politiques, il y a une distinction entre la France, la métropole et le territoire de la République française, ce qui les autorise justement à une application du droit différente selon les zones, selon les territoires de la République. Oui, c'est très clair. C'est... Bon, la première chose, c'est que justement... Quand il s'agit de la circulation des étrangers ou du droit des étrangers, le code dont j'ai parlé tout à l'heure, là, commence par dire « ce code s'applique en France ». En France, en France, on pourrait se dire dans tous les territoires nationaux, non. En France, c'est bien spécifié là, ça veut dire les départements et puis Saint-Pierre et Miquelon parce que ça a été pendant un temps un département. Mais disons, c'est anecdotique. Voilà, donc en France, c'est les départements. Avec encore des nuances, on le verra, en ce qui concerne les départements d'outre-mer. Après, les autres territoires, c'est le territoire national, c'est un peu plus vague. Bon, alors certaines... qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour un étranger qui veut voyager Récemment, j'ai rencontré le cas d'une Comorienne qui est en France, en métropole, qui a un titre de séjour impeccable, et qui veut aller se marier à La Réunion, mais son passeport n'est pas encore de validité, donc c'est pas possible qu'elle voyage en avion direct de Paris à La Réunion, c'est-à-dire de France à France en principe, mais c'est pas possible. Des absurdités de ce type, on en a beaucoup. De toute façon, un droit à travailler dans une des parcelles de l'outre-mer ne donne... droit à travailler dans aucune des autres, et évidemment pas en métropole, et réciproquement. Le droit à travailler est complètement étanche entre la métropole et chacun des territoires de l'outre-mer. Les titres de séjour aussi sont complètement étanches. On peut avoir tous les titres de séjour établis à Mayotte, et pourtant, pour les obtenir, il faut une lutte très compliquée. Ils ne valent absolument rien à Paris. Et on se dit que qu'est-ce que c'est que ce territoire national ? C'est théoriquement un même pays, et pratiquement, en tout cas pour un étranger, quand il veut se promener à l'intérieur de ce pays, eh bien, ça ne l'est pas. Mmh. Donc en fait, il y a la coexistence d'un droit national et d'un droit spécifique au territoire qui encore lui-même est mal défini, puisqu'il y a des ordonnances qui sont prononcées, il y a des décrets qui ne sont pas sortis. Et donc concrètement, il y a un droit spécifique, mais qui lui-même n'est pas forcément applicable. Oui, alors ça vaut essentiellement pour les collectivités d'outre-mer, hein, parce que pour la plupart des cas, les décrets sont applicables également dans les départements français d'outre-mer. Pas toujours. Les circulaires, en tout cas, souvent ne le sont pas. Les circulaires, justement, surtout les circulaires qui ne s'appuient sur aucun texte législatif, du genre de la régularisation aléatoire des enfants scolarisés il y a un an et demi, et actuellement sur l'éventuelle régularisation par le travail, les circulaires ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer. Comme dans les collectivités d'outre-mer. Mais enfin, pour l'essentiel, ce qui ne s'applique pas, c'est effectivement le droit, beaucoup d'aspects du droit dans les collectivités d'outre-mer, parce que faute effectivement de décret. C'est-à-dire qu'il y a une ordonnance qui ressemble à la loi et puis qui n'est pas appliquée. Et c'est plutôt commode de ne pas avoir de décret d'application, ce qui permet au préfet d'interpréter comme il le pense. Mmh. Bah, qui donne aussi un pouvoir exorbitant, kafkaïen à l'administration. Quoi, qui... Bien sûr, la préfecture a quand même un pouvoir qui ressemble au gouverneur d'antan, surtout à Mayotte, et dans une certaine mesure aussi, en tout cas en Guyane. C'est sûr que l'administration, dont les responsables sont des métropolitains, a un rôle, et des responsables en plus métropolitains qui tournent assez rapidement dans le temps, a un rôle très important et qui est ressenti un peu lourdement. Et en réalité, on voit en fait que ce labyrinthe dans les droits, il a pour effet essentiellement de restreindre l'accès vers ces territoires d'outre-mer et de faciliter l'expulsion des étrangers. Oui, ben évidemment, ça c'est... Disons, pour démarrer brutalement, il faut voir que ici en métropole, il y a des rafles d'étrangers pour atteindre la politique du chiffre proposée de 25 000 imposée par le ministère de l'Intérieur, de 25 000 personnes éloignées par an. C'est très violent, tous les gens qui sont à Paris le savent, en métropole. Mais ce même chiffre a été largement atteint en cumulant les éloignements à partir de Mayotte et de la Guyane. Il faut imaginer que Mayotte, c'est 16 000 personnes éloignées par an, dont à peu près 3 000 enfants, ce qui est complètement illégal. Et la Guyane, donc 16 000 sur une population de 180 000 habitants, disons, en gros. Oui, presque une personne sur 10 éloignée dans l'année. 9 000, plus de 9 000 à partir de la Guyane, c'est aussi assez record. Bon. Ces chiffres-là, ça ne tombe pas du ciel. Hein. C'est dû au fait, effectivement, qu'il y a des lois, des exceptions au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au code de procédure pénale pour la Guyane et des dispositifs spéciaux à Mayotte qui permettent de contrôler les gens sans réquisition du procureur sur des territoires qui comprennent à peu près tout l'espace de chacun de ces deux endroits, et qui permettent aussi de faire des éloignements sans les procédures de protection qui existent quand même encore en métropole et dans les autres départements, des protections donc d'un recours qui permet de passer devant un tribunal sans éloignement possible, c'est-à-dire un recours suspensif qui interrompt le procédure d'éloignement jusqu'à ce qu'un tribunal en statue. Tandis qu'à Mayotte, comme en Guyane et comme en Guadeloupe actuellement, tout ça n'existe pas. Pour Mayotte, il n'y a même pas le jour franc, c'est-à-dire la protection à quelqu'un d'aller chercher des costumes propres avant d'être éloigné. Et il n'y a évidemment pas l'obligation d'interrompre la procédure d'éloignement en cas de procédure de recours. Donc il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps, c'est ultra rapide. Et ça, c'est complètement illégal. Le droit européen prévoit la possibilité de recours effectif. Et ça ne s'applique pas pour le moment en Guyane ou à Mayotte. Disons, je cite surtout ces deux pays parce qu'en ce qui concerne les étrangers, ce sont les symboles qui ont été. Et c'est là où il y a effectivement le plus d'étrangers, entre guillemets. Hein, ce que je vous ai dit, les Comoriens, appeler ça étranger, c'est un peu douteux, mais c'est ça qu'on. Que vu de Paris, on étiquette comme étranger. Et donc là, il y a des procédures expéditives qui sont complètement. Y compris en Guyane, il y a des barrages routiers permanents sur les principaux axes du pays, et donc une sorte de contrôle permanent de la population et des étrangers. En Guyane, on peut dire que là, ça tourne à de l'absurde. Quoi. On est souvent dans l'absurde, Guyane, les frontières essentielles sont des très très grands fleuves sur lesquels les bateaux ont toujours circulé et les gens ont toujours été d'un côté et de l'autre. Et si on va à Saint-Laurent-du-Maroni, il y a un poste de police par lequel, si on y tient vraiment, on peut passer, montrer un passeport et traverser sur la vedette de la police. À 50 mètres à droite, à 50 mètres à gauche, il y a des flottis qui sans arrêt passent de l'un à l'autre. C'est une absurdité. Hein. C'est une absurdité dont la police aux frontières en Guyane est parfaitement consciente. Elle rattrape des gens qui reprennent la pirogue après. C'est vraiment fait pour faire du théâtre à usage métropolitain, qui n'est pas compris à distance. À Mayotte, c'est beaucoup plus violent parce que l'océan est violent, parce que c'est donc effectivement, les gens sont chopés n'importe comment, en laissant leurs enfants, leurs familles et tout. Donc ils reviennent, mais il y a des morts à chaque fois. Il y en a eu encore, une dépêche ce matin, encore un bateau avec deux morts et 30 personnes qui sont ramenées sur Mayotte et qui seront bientôt rééloignées. Donc c'est beaucoup plus violent. Mais c'est la même idée. C'est tout ça est fait pour faire un cinéma. Pour caricaturer une espèce de situation pseudo-dramatique et justifier des mesures d'exception dont on aimerait peut-être bien les étendre au territoire national. Mmh. Parce qu'à Mayotte, on en entend moins parler. Enfin, on commence à entendre un petit peu plus parler, heureusement, de toutes les morts aux frontières de l'Europe dans l'océan Atlantique. Mais à Mayotte, dans l'océan, entre ces îles qui font partie du même archipel, les personnes traversent en kwassa-kwassa, c'est les petits bateaux de pêche. Et je crois que c'est Emmanuel Blanchard, dans un article, qui donnait le chiffre de 1000 décès par an entre les îles. Les chiffres actuels sont même encore plus élevés. Je crois que c'est absolument impossible de les mesurer, ces chiffres. Mais c'est évident. D'autant que de plus en plus, maintenant, il y a deux radars, il y en aura bientôt un troisième. Il faut voir que Mayotte est entourée d'une barrière de corail. Il n'y a pas tellement de passages qui sont possibles. Il y a des vedettes qui arpentent l'océan, vedettes de la gendarmerie, qui arpentent qui sont invisibles, qui arpentent avec des moyens de vision technique que je ne connais pas, mais qui leur permet de voir sans être vu. Et donc, je ne me risquerai pas à donner des chiffres, mais il y a certainement beaucoup de morts. Dans ce balai d'aller-retour de kwassa-kwassa. C'est des petites coquilles qui rencontrent des vedettes rapides. Oui, alors que là, on parle de d'Anjouanais qui viennent voir leur famille, par exemple, à Mayotte. Ou qui vivent depuis toujours. Hein, il y en a beaucoup. Comme on est sans papier, parce qu'on ne peut pas avoir de papier, c'est extrêmement difficile d'obtenir des papiers, donc les gens sont là et de toute façon l'économie tourne par les Anjouanais. C'est clair que l'agriculture, les routes, les constructions se font par les Anjouanais. C'est un phénomène. C'est vrai, Ça ressemble à ce qu'on dit et qu'on dit plus fort au niveau des frontières de l'Europe. Il y a une très grande hypocrisie dans tout ça. On sait très bien que les gens continueront à venir, on sait très bien que l'économie tourne avec ces travailleurs sans papier. Et bien c'est pareil à une petite échelle, la Mayotte. Et c'est encore plus violent quand on pense que c'est effectivement à peu près un tiers, un quart de la population qui est comorienne, non mahoraise. Il y a aussi beaucoup de Mahorais qui ne peuvent pas le prouver, ça on en reparlera. Donc c'est une population exposée, mais indispensable évidemment à la survie de l'économie de Mayotte. C'est très semblable à l'Europe forteresse. Le collectif Outre-mer avait écrit un article, l'Outre-mer forteresse, c'est exactement dans cet esprit. C'est des frontières externes de l'Europe où on réapplique les mêmes... Là, ça devient caricatural au niveau des frontières externes de la Guyane ou de Mayotte. Peuple, mets-toi debout, crie ta misère partout pour te libérer. Méfie-toi des gens qui veulent te gouverner, qui disent n'importe quoi mais toujours en ton nom. Ils se servent de toi comme d'un simple objet, comme d'un tremplin pour bâtir leur gros projet. Dans tes jours de repos, tu chantes ton arroyo, ça l'air en jaloux. Le mardi gras, c'est pour les gens de la ville. Tu t'aventures, c'est à tes risques et périls. Tes valeurs sont très loin du Sancta Mater. Tes raras combinent le prouvent de façon claire. Tu paies l'église pour te confesser. Tu paies de ton sang pour être citoyen. Sous le bâton, même si t'es fatigué, on te traite comme une bête, un chien. Dans mon petit salon, moi je pense, traduisant des idées galantes. On m'applaudit gaiement, mais c'est curieux, la condition du peuple s'empire. 65 ans après, dites-nous où vous étiez, intellect baveux. Les machettes, les lambis donnèrent la réplique. Mais ce furent bien les paysans, les victimes. Les flottes navies, c'était pas l'âge de Noé. Charles Maï Batraville l'ont bien réalisé. Ah, que les temps ont changé, il n'est plus question de révolte spontanée. Révolution devient histoire de culture. On pense pour le peuple, enfant illégitime. Comme s'il n'a pas assez faim pour inverser sa condition de beau de pipeau provoquée. Toutes ces traversées qui font bien prospérer les commerçants des deux côtés. Il paie l'église pour se confesser, il paie de son sang pour être citoyen. Sous le bâton, même s'il est fatigué, on le traite comme une bête, un chien. Dans mon petit salon, moi je pense, traduisant des idées galantes. On m'applaudit gaiement, mais c'est curieux, la condition du peuple s'empire. Après le chanteur haïtien Charlemagne, on revient toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans l'intempestive avec Marie Duflo Dugisti, avec qui on est en train de parler du droit des étrangers en Outre-mer. Là, on a parlé donc des conditions d'entrée ou des expulsions des étrangers, de l'éloignement, où il y a un droit donc très spécifique qui s'applique sur l'outre-mer. Mais parlons aussi d'ailleurs de la question de la nationalité, puisqu'à Mayotte, c'est quelque chose qui est, enfin voilà, où l'absurdité est extrêmement visible. Et tu pourrais peut-être d'ailleurs développer à partir aussi du visa baladur dont tu as parlé tout à l'heure. Donc à Mayotte, on décide à partir d'un moment donné, parce qu'il y a eu un référendum, qu'une partie de la population peut prétendre à la nationalité française, tandis qu'une autre partie de la population devient étrangère. Disons, pour répondre à ça, on peut répondre à deux niveaux. D'une part, un Mahorais est-il tout à fait français? Bien entendu, cette question peut faire hurler. Mais il faut voir d'une part que la tradition de l'ensemble des Comores était une tradition d'un état civil oral où les gens changeaient de nom dans toute leur vie et continuaient à le faire. Où rien n'était écrit, il n'y a pas d'état civil sur l'ensemble des Comores et à Mayotte non plus. Il y a aussi un droit pour les Mahorais, hein, un droit, disons, il y a un état civil de droit local et un état civil national qui coexistent. Et un droit civil de droit local avec des cadis, des juges musulmans qui coexistent avec l'autre. C'est extrêmement compliqué. L'un dans l'autre, progressivement, les droits du cadi s'effritent. Hein, mais ça ressemble beaucoup à la situation du droit local en Algérie à l'époque de la colonie. Hein, c'était le droit local qui s'appliquait à tous les Algériens, de toutes petites exceptions près, hein, et le droit commun qui s'appliquait aux exceptions. D'accord. Ce droit local actuellement continue à s'appliquer à 70% des gens, hein, et en 2000 c'était 95%. Il y a eu un glissement progressif. L'état civil, eh bien, l'état civil, il n'existe pas. Il se reconstitue, mais très très lentement. Il y a une commission qui reconstitue l'état civil des gens qui n'en avaient pas avant 2000. Elle a en attente 14 000 dossiers. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens découvrent brusquement, ils vont se marier, ils vont faire n'importe quoi dans leur vie, ou on leur demande à la mairie des papiers, ou ils demandent l'accès à la sécurité sociale, on leur demande de prouver qu'ils sont mahorais. Ah, ils réalisent qu'il n'y a pas d'acte de naissance, et ça va prendre 4 ans pour reconnaître leurs droits. Donc déjà, il faut quand même voir qu'on est dans une situation un peu pas claire sur ce qu'est un Mahorais. Hein. Et beaucoup de Mahorais, donc, il y a des sans-papiers Mahorais, c'est indubitable. Alors maintenant, ce qui concerne les Comoriens, c'est-à-dire les Comoriens venus d'autres îles, et puis, disons, le droit à l'accès à la nationalité, ben alors on en a beaucoup parlé parce que ça a été l'une des premières expressions un peu violentes de la préparation de la loi de 2006, de la loi de l'entrée et du séjour des étrangers, qui a été la loi Sarkozy 2, disons, la seconde réforme Sarkozy du droit des étrangers en France, qui est sortie finalement en juillet 2006. Et là, cette loi a passé 6 mois de moutures successives. Et la première mouture, en fait, est venue à la suite de déclarations du secrétaire d'État à l'Outre-mer d'époque, Parouin, sur le fait que le droit du sol devait cesser de l'être, pour Mayotte et pour la Guyane à l'époque. Ces déclarations viennent d'être reprises, d'ailleurs, par Estrosi, vous l'avez entendu sans doute. Bon, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Cette histoire-là, c'est très ancien, effectivement. En fait, le droit du sol, dans le droit à la nationalité, le droit général à la nationalité, disons le droit qui s'exerce en métropole, il existe avec des moutures variables depuis la fin du XIXe siècle. Il existe donc, c'est soit le double droit au sol, c'est-à-dire si quelqu'un qui est né en France, de parents qui sont nés en France, est français, ou un simple droit au sol, quelqu'un qui naît en France aura des droits à la nationalité après un certain temps de résidence. On ne va pas prendre trop de détails. En fait, dès que ce dispositif, très vite en ont été exclus les Algériens, justement, où il y avait qui étaient français mais pas vraiment français, et l'ensemble de l'Empire colonial, disons. Pour Mayotte, ce droit du sol, en fait, n'a été rétabli qu'en 93. C'est donc récent. Hein, c'est donc récent. Mais c'était quand même une évolution vers le droit national. Donc là, il s'agit, dans les propos qui sont tenus, d'une volonté de retour en arrière difficile, parce que ça serait inconstitutionnel, dans ce sens où, normalement, l'état civil ne fait pas partie des... Le droit civil, le droit de la nationalité ne fait pas partie des choses qui sont adaptables sur l'outre-mer. Maintenant, on a vu qu'on peut changer les constitutions, on verra bien. Mais c'est un peu difficile. Ce qui s'est passé, puisqu'on n'arrivait pas à modifier on avait peur d'inconstitutionnalité si en touchant au droit du sol, finalement, une voie indirecte est venue qui, elle aussi, rappelle des mauvais souvenirs coloniaux, qui était de, d'inventer une possible interdiction de reconnaissance de paternité, disons une définition d'une paternité de complaisance, comme on a beaucoup parlé des mariages blancs. Ou de, voilà. Or, ça, c'est complètement contraire à l'ensemble de l'esprit du Code civil, dans la mesure où il est convenu dans toutes les bonnes familles françaises qu'il vaut beaucoup mieux qu'il y ait un père dans l'intérêt de l'enfant, qu'il reconnaisse un enfant, et que, après tout, la génétique, ce n'est pas tellement important. Ce qui est intéressant, c'est que qu'un père qui reconnaît, il reconnaît, et c'est ça qui compte. Hein. Ça fait partie de... Il y a eu des petites entorses à ce principe qui ont commencé, justement, encore dans l'Empire colonial. Par exemple, dans le droit de Madagascar, qui couvrait aussi les Comores, la tradition était de transmission de, par la mère essentiellement. Donc quand un père reconnaissait un enfant, quand un père était le père de l'enfant et était prêt à le reconnaître, ça n'était pas reconnu en dehors de mariages légaux, hein, un père concubin. On a commencé à faire des modifications qui heurtent l'idée de, d'un état civil commun pour tous en rendant possible la reconnaissance par un père européen. Même en concubinage. Disons. Bon, ça c'était des. Bon. Alors, ce qui a été inventé finalement par la loi de 2006, uniquement pour Mayotte, dans le code de l'entrée du. Dans la loi de 2006, mais qui, donc, qui a été une modification pardon, du code civil concernant Mayotte, c'est la possibilité pour la personne à la mairie qui reçoit quelqu'un et qui a une suspicion de fraude de reconnaissance de paternité, dans tout le contexte, il est évident que ça veut dire. Un père de nationalité française reconnaissant un enfant dont la mère est comorienne sans papier, suspicion de fraude, d'ailleurs c'est systématiquement dans ces cas-là que c'est, ça s'opère actuellement. Alors là, ça change complètement le sens du code civil, hein. Spécifique à Mayotte, ce dispositif, mais ni vu ni connu. Une clause de pénalité pour reconnaissance frauduleuse de paternité en vue d'aider un étranger à obtenir le droit au séjour ou la nationalité, c'est introduite dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers. Clause complètement analogue à celle qui menace les personnes suspectes d'avoir fait un mariage blanc. Donc ça s'est introduit au cours des discussions parlementaires sans que personne s'en rende trop compte dans le code, et donc ça s'applique déjà à tout le monde, donc glissement progressif jusqu'où ça ira. Tout ça c'est bien des images de dramatisation. On a beaucoup dramatisé toutes les femmes comoriennes qui viennent accoucher à l'hôpital de Mamoudzou. On a beaucoup dramatisé les invasions par des étrangers de la Guyane et de Mayotte surtout, dans une moindre mesure de la Guadeloupe par les Haïtiens. Et puis ça permet donc de faire des dispositifs spécifiques, de supprimer des recours suspensifs, d'éloignement, de créer des... de stigmatiser des éventuels pères de complaisance. On habitue à ce genre de choses, on crée des nouvelles lois et ça... peut-être, on se dit que si ça passe, ça pourrait éventuellement... passer aussi pour l'ensemble du territoire national. C'est ce que beaucoup de personnes ont appelé utiliser l'outre-mer comme un laboratoire du non-droit, disons, des étrangers, en l'occurrence. Mmh. D'accord. Mais justement, derrière tout ce discours, derrière toutes ces tentatives, justement, de restreindre le droit des étrangers, il y a tout un discours sur le danger social... De l'immigration qui est assez proche, c'est Emmanuel Saada qui en parle dans la revue de plein droit, qui reprend en fait tout un discours sur l'indigène et qui par exemple, on va pas suspecter un père européen qui va venir déclarer un enfant qui va reconnaître la paternité d'un enfant qu'il a eu avec une mère européenne. En revanche, dès qu'il y a un mariage ou une naissance mixte, il va y avoir suspicion. Et c'est recréer en fait des catégories, il y a l'indigène, il y a l'européen. Mais tout à fait, on n'ose pas l'écrire quand même, on n'ose pas l'écrire. À l'époque, on osait l'écrire, maintenant, on n'ose plus l'écrire. Et c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a créé cette paternité de complaisance, cette suspicion de fraude, effectivement, l'officier d'état civil n'agit que s'il y a suspicion de fraude. Mais il est clair, et d'ailleurs le procureur de la République avec qui on en a parlé, il a complètement explicité cette suspicion de fraude. Ça veut dire un père de nationalité française, européen ou mahorais pour le moment, et une mère comorienne. Donc là, l'indigène, en l'occurrence, selon les domaines, l'indigène au sens, disons, ce qui est analogue à l'indigène, ça pourrait être beaucoup les Comoriens à Mayotte, ou les Surinamiens, ou les Guyaniens, ou Brésiliens en Guyane. Là, sur cette histoire, c'est nettement les Comoriens à Mayotte. Sur d'autres choses, sur les histoires de droits différents, droits locaux et droits général, ça pourrait aussi être les Mahorais. Et tout ce discours, justement, à Mayotte, il est porté, enfin, le Estrosi, justement, il justifiait notamment la restriction du droit du sol ou bien les contrôles sur la paternité, en disant qu'il y a une invasion de Comoriens non Mahorais sur l'île de Mayotte pour bénéficier des prestations sociales françaises, des infrastructures en termes de, enfin, notamment au niveau de la santé. Mais voilà quoi, derrière ça, il y a enfin le fait que la France déstabilise en fait l'équilibre régional dans cette région, et c'est également la même chose en Guyane ou bien dans les Antilles, puisqu'elle crée une sorte de petit îlot, effectivement, qui est davantage doté en termes d'infrastructures ou de droits. Mais simultanément, du coup, elle renforce les contrôles et les interdictions d'y accéder pour toute une partie de la population qui, auparavant, circulait librement dans ces régions, avait accès aux mêmes infrastructures que les autres, etc. Oui, tout à fait. Non, mais tu as tout à fait raison, je vais le contresigner. C'est vrai que je pense que la France se manipule là. Je pense qu'au départ, ça n'a pas été réfléchi du tout. Hein, et que là, on est en train de fabriquer des foyers d'isolement complètement absurdes et très dangereux. Hein. Il y a eu récemment à Mayotte une manifestation pas sympathique de jeunes au moment où Bakar, donc le dictateur qui régnait sur l'île d'Anjouan, l'île la plus pauvre de l'archipel, est arrivé à Mayotte avec des fort possibles soutiens de la France, quand il a été évacué par l'armée africaine et comorienne. Donc, réaction violente de quelques jeunes surtout, qui a été suivie aussitôt, quelques jours après, par une grande manifestation pour l'éloignement des Anjouanais. Manifestation quand même, celle-là pas spontanée du tout, puisque s'y trouvait le président du Conseil général et le député, donc manifestation plus grave sur le plan institutionnel qu'une échauffourée de jeunes. Donc ça veut dire effectivement que c'est quelque chose, et c'est quelque chose qui est violent. Il y avait, quand j'étais là-bas, ça s'est moins vu, mais il y a eu des manifestations contre l'ouverture d'une classe qui aurait permis d'accueillir des enfants de sans-papiers. Il y a une forte xénophobie. Alors on ne peut pas jeter la pierre trop brutale aux Mahorais, parce qu'ils ont toute leur vie a été complètement bousculée en moins de 10 ans, hein, puisque c'est en gros 10 ans. Hein. Toute leur vie, toute leur structure mentale, les parents ne comprennent plus les enfants, parce que les enfants étaient à l'école française. Et, enfin bon, tout est extrêmement... Et puis, et voilà, au moins toute cette rupture de vie, ça vaut la sécurité sociale, ça vaut peut-être le RMI bientôt, ça vaut... Donc on se bat pour la départementalisation sans trop savoir ce que ça veut dire, mais... Parce que ça vaut tous les avantages sociaux, et bon, et ça je comprends bien que les gens y soient attachés, quitte à avoir été cassés dans ses fondements, au moins que ça serve à quelque chose. C'est vrai que le niveau social de Mayotte est 10 fois plus faible en gros que celui d'ici, mais 10 fois plus fort que celui d'Anjoua. Bon, il y a une différence qui n'arrête pas de se creuser, et qui fait qu'effectivement, les Anjouanais, qui sont les plus pauvres de l'archipel, continueront à venir, et que ça sera de plus en plus, que ça risque de devenir extrêmement violent, à une échelle petite, d'accord, mais bon, et ça risque de devenir très invivable, encore plus invivable pour les Maorais ou pour les Zungu, qui sont les Européens là-bas. On fabrique quelque chose, oui, on fabrique une poudrière. Les gens sont très pacifiques là-bas, donc je ne sais pas sous quelle forme ça peut s'exprimer, parce que c'est, il n'y a pas du tout de tradition. Les violences, c'est la première fois qu'on a eu une violence d'une après-midi, c'est évident. Plus on creuse un fossé, plus... Sur la Guyane, c'est moins violent, mais c'est quand même violent. C'est les Brésiliens qui... Il n'y a pas d'échange. Pourquoi ? S'il pourrait y avoir des échanges, les travailleurs saisonniers, des choses de ce type-là, enfin bon. Au lieu de ça, c'est l'orpaillage qui est quelque chose de très violent en soi. Quand j'étais là-bas en novembre 2006, tous les États d'Amérique avaient décidé d'abolir les visas pour court séjour entre eux, sauf la Guyane, qui est le seul endroit sur toute l'Amérique du Sud à avoir maintenu des visas aux frontières. Visas stupides d'ailleurs, puisque les barques continuent. Mais le symbole est quand même important. Mmh. C'est là-haut aussi. Comment est-ce que la Guyane peut avoir un développement normal, si ce n'est avec des échanges normaux avec ses voisins, plus qu'avec la lointaine métropole ? C'est une évidence, mais... Alors on parle comme en métropole de co-développement avec l'Afrique et tout ça, on parle de co-développement avec les Comores, mais enfin, pour le moment, l'essentiel de l'investissement, c'est plus de radars, plus de gendarmes... Oui, ça joli joli, quand je pas comment, ma cria ou kékéa, tombe levé pour, mais comment, ma fait joli mania. Oui, dis-moi, danke, m'y attend, son mon la peau collée à peau aîné, mon enfant qui t'a moins imaginé. Son mon la peau collée à peau aîné, mon enfant qui t'a moins imaginé. Si la vie en bateau ôté, amène mon bon Dieu. Si la vie en bateau ôté, mon l'air la fin Dieu. Si la vie en bateau ôté, amène mon bon Dieu. Si la vie en bateau ôté, mon l'air la fin Dieu. Aïe, amène mon bon Dieu, et mon l'air la fin Dieu. Aïe, amène mon bon Dieu, et mon l'air la fin Dieu. Aïe, amène mon bon Dieu, et mon l'air la fin Dieu. La petite oubli m'en l'air dans nos bras, momo, bouquet le doigt de chumeur. Digo, digi, digé dans nos bras collés, petit chômeur, grand chômeur. Saisissement dans le cœur, mon madame, belle femme. Souvent la peau collée à peau aînée, mon enfant qui t'a moins imaginé. Souvent la peau collée à peau aînée, mon enfant qui t'a moins imaginé. Si la vie en bateau ôté, amène mon bon Dieu. Si la vie en bateau ôté, mon l'air la fin Dieu. Si la vie en bateau ôté, amène mon bon Dieu. Si la vie en bateau ôté, mon l'air la fin Dieu. Aïe, amène mon bon Dieu, et mon l'air la fin Dieu. Aïe, amène mon bon Dieu, et mon l'air la fin Dieu. Aïe, amène mon bon Dieu, et mon l'air la fin Dieu. Quelle est belle oie dit qu'on m'envoie de famille bombée. Dis baba mon bonheur. Mon corps il fait de l'eau, il coule en de lait. Demain oie dit ta l'air. Quand même l'encotane, pas ta man. Tout le monde la peau collée à peau aînée, mon enfant qui t'a moins imaginé. Tout le monde la peau collée à peau aînée, mon enfant qui t'a moins imaginé. C'était le chanteur réunionnais Daniel Waro. On est toujours sur FPP 106.3 dans l'intempestive et on continue à parler avec Marie Duflo du GISTI sur le droit des étrangers en Outre-mer. On peut aborder quelque chose dont on a moins parlé pour l'instant, c'est les restrictions à la circulation. Enfin, est-ce que tu pourrais parler de cet imbroglio qu'a créé vis-à-vis de l'Outre-mer la création du visa Schengen ? Et donc la libre circulation à l'intérieur des frontières de l'Europe, mais qui ne s'applique pas aux territoires ultramarins, et des difficultés de circulation entre les différents territoires d'outre-mer. Oui, bon, ça, le visa Schengen, c'est donc la libre circulation, en gros, progressivement, ce sera à l'intérieur de l'ensemble de l'espace européen, de l'Union européenne. Certains États n'en sont pas encore, mais ça le sera, ce qui permet à la Grande-Bretagne d'y échapper sous prétexte de son insularité. Mais ce n'est pas absolument étonnant que les terres ultramarines en soient exclues. Mais ça veut dire effectivement que quelqu'un qui arrive avec un... Disons, prenons la chose la moins dramatique, le touriste qui arrive avec un visa Schengen à Paris, il va pouvoir aller, donc un visa de court séjour, il va pouvoir aller à Rome et à Berlin sans problème. Mais il faudra qu'il aille à la préfecture pour demander un visa spécifique s'il veut aller à La Réunion. Bon, beaucoup de gens se font prendre d'ailleurs parce qu'ils ne s'y attendent pas du tout. Bon. C'est pas le cas le plus dramatique, hein. Il y a des cas plus embêtants, comme par exemple le demandeur d'asile qui vient demander l'asile en Guadeloupe. Enfin, la Guadeloupe, enfin aussi, justement, parlons de la Guadeloupe. Oui. Qui, jusqu'à une période récente, par exemple, sa demande d'asile était refusée. Il faisait un recours auprès de la commission de recours de l'OFPRA. Il devait venir jusqu'à Montreuil, donc en région parisienne, pour se présenter devant la commission des recours. Et là, c'était le parcours du combattant pour obtenir un sauf-conduit pour pouvoir venir à Montreuil, où il y avait... C'est un petit peu changé dans la mesure où il y a maintenant des audiences décentralisées qui se font en Guadeloupe. Mais enfin, le principe est le même. De toute façon, que ce soit le demandeur d'asile ou un autre. Mais la notion de sauf-conduit n'a jamais eu la moindre existence dans aucun texte juridique. Mais c'est l'usage, c'est-à-dire que c'est le préfet qui décidait, oui ou non, de donner un sauf-conduit au demandeur d'asile. Et il y a eu récemment un cas où la personne n'arrivait pas à obtenir... beaucoup de cas d'ailleurs où les gens avaient du mal à obtenir cette année sauf-conduit qui leur permettait de prendre l'avion donc direct vers la métropole, au motif que certains restaient en métropole, ce qui est probablement vrai. Hein. Mais bon, un demandeur d'asile, le droit d'asile, c'est quelque chose qui s'exerce sur l'ensemble du territoire national. Rien dans la Convention de Genève ne permet de le localiser géographiquement. Pour cette personne, pour ce cas, le sauf-conduit a été... Il n'y a pas eu de sauf-conduit, mais le tribunal administratif a décidé que c'était illégal. Mais ça continue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, circuler normalement. C'est effectivement le cas le plus grave, c'est le cas effectivement d'étrangers qui ont vocation à s'installer, enfin qui s'installent dans un pays, dans une partie de la France, disons, dans une partie du territoire national, pour être plus précis, et qui voudraient aller ailleurs parce qu'ils se marient, parce que c'est leur vie, parce que bon. Et cette circulation est bloquée par des tas de choses, soit par cette histoire de visa qui se résout si les gens ont un titre de séjour, mais si les gens n'ont pas de titre de séjour, ça se résout très difficilement. Soit par le fait qu'un titre de séjour n'a pas la même valeur sur un endroit et à l'autre. Entre départements, le droit au séjour s'échange, c'est-à-dire le droit au séjour en Guyane autorise à séjourner à Paris, mais n'autorise pas à travailler, ce qui est quand même une limitation drastique. Et en ce qui concerne le droit au séjour établi à Mayotte, il ne donne aucun droit, ni à séjourner, ni à travailler, bien entendu, où que ce soit dans les autres terres du territoire national. D'ailleurs, il y a d'autres restrictions, il y a d'autres arrangements avec les droits qu'octroie ou non le titre de séjour. Par exemple, je crois d'ailleurs que c'est le collectif migrant de Mayotte qui avait sorti un communiqué à un moment parce que certaines dispositions qui s'appliquaient en France, comme par exemple l'aide médicale aux étrangers, ne s'appliquaient pas ou très mal à Mayotte. Pas du tout, d'ailleurs. Pas du tout, ouais, oui. Ça, c'est, en fait, ce n'est pas un communiqué, c'est une saisine de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et de la Défenseure des enfants sur l'accès aux soins des sans-papiers à Mayotte. Saisine qui est venue du collectif de Mayotte, mais aussi du GISTI et de plusieurs associations Médecins du Monde ici et aide essentiellement. Et la CIMADE. Donc, c'est intéressant parce que c'est effectivement les effets retors du progrès, si on peut dire. Hein. C'est-à-dire qu'en 2005, il y a eu la sécurité sociale s'est établie à Mayotte. A été établie à Mayotte. Il n'y en avait pas avant. Avant, il n'y avait pas de sécurité sociale, mais il y avait des services, en tout cas des services d'urgence et des soins qui traitaient tout le monde de la même manière. En 2005, ça s'est amélioré pour ceux qui ont accès à cette sécurité sociale. Mais c'est évidemment, sont exclus les sans-papiers, dont, comme on nous l'a dit tout à l'heure, certains Mahorais, qui ne peuvent pas le prouver. Toute cette en métropole, il y a un dispositif qui fait que pour un sans-papier, il y a une aide médicale État, c'est faible, tout le monde, tous les militants, enfin nous pensons tous qu'il faudrait que la sécurité sociale ou une CMU soit ouverte à tous, mais enfin c'est déjà mieux que rien. Et pour les gens qui n'ont pas l'aide médicale État parce qu'ils ne peuvent pas prouver 3 mois de résidence hors métropole, il existe un dispositif d'urgence, l'urgence étant définie de manière assez large, par exemple incluant systématiquement tout enfant, parce que reconnaissant la vulnérabilité de l'enfant. À Mayotte, eh bien, il n'existe pas d'aide médicale État, donc le tiers de la population, en gros, se trouve sans rien. Alors, il existe soi-disant un dispositif d'urgence, mais à définition infiniment plus restreinte, puisque en particulier, cette protection des enfants systématique n'est absolument pas reconnue. Et moi, j'ai vu des médecins, qui sont ceux qui nous ont documentés pour faire cette saisine, j'ai vu des médecins affolés, disant que des endémies, des maladies contagieuses graves sont en train de réapparaître. La diphtérie, la variole, des choses. Je n'ai pas la liste exacte parce que je ne suis pas médecin, je ne le sais pas par cœur, mais des choses qui étaient enrayées. Et qui réapparaissent parce que les enfants ne sont plus suivis, d'une part parce qu'il faut payer à l'hôpital, et d'autre part parce que les gens qui n'ont pas de papier n'osent plus circuler, puisqu'il y a des rafles très systématiques, et beaucoup de gens qui auraient pu éventuellement être accueillis à l'hôpital ne vont qu'à la dernière minute, par peur de se faire attraper sur la route. C'est donc beaucoup de soins qui sont arrêtés en cours de route, qui ne sont pas donnés d'examen prénatal. Ça, c'est tout à fait symptomatique, en dehors des différences économiques, justement, des conséquences graves qu'il peut y avoir de ce non-droit. C'est-à-dire à vouloir limiter le droit à la santé des sans-papiers, et on peut aussi peut-être mettre en danger le droit à la santé même des autres. La perspective semble. Enfin bon, quels sont les moyens de lutte pour faire évoluer tout ça, quoi. Ben nous, on est des envers et contre tout optimistes sur le droit. Hein, c'est-à-dire que il s'agit de défendre des droits, le droit français, des droits universels comme le droit à la santé. D'abord sortir de l'outre-mer du silence, hein, parce que personne ne sait ce qui s'y passe. Quand même, il y a normalement un certain nombre de droits qui sont reconnus en France, sur le territoire national, et qui ne sont pas appliqués. Et puis, faire ce qui a été fait, mais évidemment, il y a beaucoup plus de gens pour le faire sur l'Europe. Expliquer les conséquences dramatiques de cet isolement de quelques îlots de l'outre-mer par rapport au voisinage, par rapport aux conséquences que ça a sur le droit, par rapport aux morts qui viennent, aux morts en mer, toutes les conséquences humaines que ça peut avoir. Donc le droit, nous, ce collectif Outre-mer, il s'est créé pour ça, il s'est créé pour mettre en commun des moyens pour faire avancer ce droit, beaucoup par des formations. La formation qu'on a fait à Mayotte, on s'attendait à avoir une petite vingtaine de personnes à partir de premier contact, et puis finalement il y a eu 90 personnes qui, pour une grande part, se sont maintenant regroupées dans ce collectif Migrants Mayotte, qui mettent ensemble leurs moyens et qui essayent de faire valoir le droit. Ce serait déjà pas mal si le droit était appliqué à Mayotte. Bon, on n'a pas beaucoup d'autres armes. Essayer de faire savoir ce qui se passe et puis essayer de faire appliquer le droit. Déjà, c'est faire comprendre aux gens que mettre en péril le droit à la santé ou le droit au travail ou le droit à vivre tout court d'un tiers de la population, ça met en péril tout le monde. Des choses, c'est pas nous qui allons modifier les statuts des terres d'outre-mer, mais y faire valoir au moins le droit des étrangers, c'est notre cheval de bataille, disons. L'intempestive s'est terminée pour aujourd'hui. On était donc avec Marie Duflo, membre du GISTI et du collectif Migrants Outre-mer, avec qui on discutait des réminiscences fortement coloniales du droit des étrangers dans les territoires d'outre-mer. Vous retrouverez cette émission lundi à 11h sur FPP. Elle sera ensuite disponible sur www.intempestive.net. Si vous souhaitez trouver les analyses du GISTI ou bien du collectif Migrants Outre-mer, vous pouvez aller faire un tour sur www.gisti.org. Et à quoi vous a servi, Monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnu et recommandé.